Ovide, les Pontiques, traduction 1838, sous la direction de Monsieur Nisard. Livre premier, lettre 10. À Flaccus. Ovide, du fond de son exil, envoie le salut à son ami Flaccus, si toutefois on peut envoyer ce que l'on n'a pas. Car depuis longtemps le chagrin ne permet pas à mon corps, miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des forces. Et pourtant je n'éprouve aucune douleur. Je ne sens pas les ardentes suffocations de la fièvre, et mon pouls bat comme de coutume. Mais mon palais est émoussé, les mets placés devant moi me donnent la nausée, et je vois avec dégoût arriver l'heure des repas. Qu'on mette à contribution pour me servir la mer, la terre et l'air, on n'y trouvera rien qui puisse réveiller mon appétit. La droite hébée de ses mains charmantes me présenterait le nectar et l'ambroisie, breuvage et nourriture des dieux, que leur divine saveur ne rendrait pas la sensibilité à mon palais engourdi, et qu'ils écraseraient substance lourde et indigeste mon estomac sans ressort. Quelque vrai que cela soit, je n'oserais l'écrire à tout autre, de peur qu'on attribuât mes plaintes à un besoin de délicatesse recherché. En effet, dans ma position, dans l'état actuel de ma fortune, les besoins de cette nature seraient bienvenus. Je les souhaite, aux mêmes conditions, à celui qui trouverait que la colère de César fut trop douce pour moi. Le sommeil lui-même, cet aliment d'un corps délicat, refuse sa vertu bienfaisante à mon corps exténué. Je veille, et avec moi veille incessamment la douleur qu'entretient encore la tristesse du jour. À peine en me voyant, pourrais-tu me reconnaître? Que sont devenues, dirais-tu, ces couleurs que tu avais jadis? Un sang rare coule paisiblement dans mes veines presque desséchées, et mon corps est pâle comme la cire nouvelle. Les excès du vin n'ont point causé chez moi de tels ravages, car tu sais que je ne bois guère que de l'eau. Je ne charge point de mets mon estomac, et si j'aimais la bonne chair, il n'y aurait pas au pays des jettes de quoi satisfaire mes goûts. Les plaisirs si pernicieux de l'amour n'épuisent point mes forces. La volupté n'habite pas dans la couche du malheureux. Déjà, l'eau et le climat me sont funestes, et par-dessus tout, les inquiétudes d'esprit qui ne me laissent pas un moment. Si vous ne les soulagiez, toi et ce frère qui te ressemble, mon âme abattue supporterait à peine le poids de ma tristesse. Vous êtes pour ma barque fragile un rivage hospitalier, et je reçois de vous les secours que tant d'autres me refusent. Donnez-les-moi toujours, je vous en conjure, car toujours j'en aurai besoin tant que le divin César sera irrité contre moi. Que chacun de vous adresse à ses dieux d'humbles prières, non pour que César étouffe un courroux dont je suis la victime méritée, mais pour qu'il le modère.